Le château des contes de Champagne. Toi que le vent des âges d'un souffle a balayé, perdu dans les nuages, ton nom semble oublié. L'harpe fugitive aux magiques accents, seule accuse plaintive les ravages du temps. À cette place, ici, dans ces lieux, ô mémoire, vieux château, tu régnais sur les remparts troyens. Ici, dedans ces lieux, amour, honneur et gloire de tes hôtes formaient les glorieux liens. Quoi ? Nulle trace ? Nul vestige ? Rien de tes splendeurs d'autrefois ? Ô souvenir, divin prestige, ombre, levez-vous à ma voix. Et d'un souffle puissant, le barde enthousiaste a dit à ses donjons sous la terre enfouis, flèches, percez les airs, sur cette arène vaste, reflétez le flambeau des nuits. Et le donjon soumis, de ses flèches aiguës, a percé de nouveau le vaporeux éther. Portiques et créneaux, ogives contiguës, se dressent fantômes de l'air. Silence, le manoir s'élève, j'aperçois ses massives tours, silence encore. L'œuvre s'achève. Tel il parut dans ses beaux jours, le château, demeure brillante, où vécut la race des rois, où Thibaut, prince à l'âme ardente, fut guerrier et barde à la fois. Minuit sonne, le charme opère, vite évoquons les anciens jours, évoquons l'ombre, le mystère, la gloire et les tendres amours. Debout, roi, comte de Champagne, troubadour au glaive acéré, debout aussi, vous, sa compagne, belle reine au front adoré. Debout, preuse au flottant panache, de la croix belliqueux soutien, vous dont les pompeuses rondaches éclataient aux champs syriens. Levez-vous, ombre magnifique, dame, page, baron, varlet, inondez ces hautains portiques, repeuplez ce vaste palais. Sortez de la tombe muette, quittez les replis du linceul, levez-vous dans ce jour de fête, quittez les régions du deuil. Debout, châtelaine timide, au front serein, au regard pur, secouez votre robe humide où resplendit l'or et l'azur. De votre blonde chevelure, séparez le réseau doré, et près de vous cherchez l'armure qui cache l'ami préféré. Debout, bachelette naïve aux yeux bleus, au charme naissant, unissez votre voix craintive aux théorbes retentissants. Debout, essaim de Cythérée, fleurs chères aux légers amours, d'une souveraine adorée, rehaussez les riches atours. Mais écoutons, le cor résonne, on abaisse le pont-levis. Courez, la châtelaine ordonne d'introduire les preux amis. Salut, beau voyageur, viens-tu de Palestine, ou plutôt d'Albion as-tu charmé la cour? Égarais-tu tes pas dans les jardins d'Alcine? Chantes-tu la gloire ou l'amour? Noble dame, à mon luth, j'ai trois cordes sonores, l'une pour les amours, l'autre pour les combats, parfois chantant la rose et les frais sycomores, d'autres fois le cyprès, noir enfant du trépas. Laisse, beau troubadour, la ballade plaintive, chante-nous les exploits du valeureux guerrier, chante aussi des amours la saison fugitive, enlace le myrte au laurier. Et soudain, saisissant sa lyre, charmant les échos d'alentour, le barde, dans un saint délire, a chanté la gloire et l'amour. Mille brillants flambeaux ont chassé la nuit sombre, le temps rapide fuit, et l'heure au pied léger bientôt ramènera le jour vainqueur de l'ombre et de l'empire mensonger. Au son d'une vive harmonie s'ouvre la salle du festin. La coupe à longs flots est remplie et circule de main en main. Les jeux, les ris et la liesse captivent les hôtes joyeux. Sire, hâtez-vous, le temps presse. De Vénus l'astre brille aux cieux. Sire comte, prenez la lyre, de grâce un doux en son d'amour. Thibaut prend le luth et soupire, plaisir d'aimer, bonheur d'un jour. Il dit, et sa main palpitante va trahir le secret du cœur. Le luth vibre, sa voix tremblante fléchit sous un charme vainqueur. La foule s'étonne, attentive, qui retient le roi troubadour? De blanche l'ombre fugitive honore-t-elle ce beau jour? mais de Galus l'oiseau se fait entendre, et par trois fois son cri frappe les airs. Tout fuit, dans le cercueil tout vient de redescendre, tout rentre en la nuit des enfers. Plus de donjons, plus de tourelles, plus d'ogives, plus de créneaux, plus de guerriers, de jouvencelles, partout silence des tombeaux.